Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la guerre en Afghanistan à la fin du dernier siècle. Oui, fin du siècle, car il est difficile de donner des bornes chronologiques précises à cette histoire. Longtemps, on a raconté ces événements à travers la grille de lecture exclusive de la guerre froide et de l'opposition entre soviétiques et américains. Et pourtant, les combats n'ont pas débuté à la suite de l'invasion des soviétiques, tout comme ils ne se sont pas terminés au lendemain de leur départ. Pour raconter cette guerre, il faut donc élargir la focale afin d'en expliquer les rebondissements et les conséquences encore présentes aujourd'hui. C'est pourquoi dans ce récit, nous avons fait le choix de ne pas nous arrêter sur un événement précis, mais de dérouler les différents temps de cette guerre. À travers les reportages des journalistes français, nous allons ainsi suivre le quotidien de différentes sections de la résistance afghane au pouvoir communiste et à son allié soviétique, s'interroger sur le rôle joué par la France et enfin tenter de comprendre les raisons de la poursuite des combats après 1989. Notre invité aujourd'hui, le grand reporter Pascal Manoukian, qui vient de publier un carnet de reportages en Afghanistan durant cette période, ouvrage intitulé « Au royaume des insoumis ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Koy Nguyen. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. L'Afghanistan. Pour beaucoup d'entre vous, l'évocation de ce pays ne suscite sans doute que des images de guerre. Notre 21e siècle y est presque né. Quand au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis et la coalition internationale y ont envoyé missiles, soldats et médias à la recherche d'Oussama Ben Laden. Depuis cette date, ce pays n'a presque jamais quitté les pages de nos journaux. Il est devenu un voisin lointain qu'on surveille de près. Et pourtant, il y a 50 ans, c'est un tout autre imaginaire qu'éveillait ce nom d'Afghanistan. Grâce aux récits de voyageurs et aux romans, cette contrée agissait comme un aimant pour de nombreux jeunes qui rêvaient d'aventure. En 1969, plus de 60 000 touristes avaient même traversé ces terres. C'était un royaume sur la route de l'Inde, voisin de l'Iran et de l'URSS, sur la route de Katmandou également, où l'on disait que les paysages rappelaient des temps anciens. Les combats comme la peur y étaient absents. Et puis, en 1978, tout a basculé. Cette année-là, on apprend l'assassinat du président de la République, Mohamed Daoud, à la suite d'un coup d'État mené par le Parti démocratique du peuple d'Afghanistan. Le nouveau pouvoir, dirigé par Mour Mohammad Taraki, est communiste, mais à la sauce afghane. Car si l'URSS reconnaît rapidement ce nouveau gouvernement, le vieil allié soviétique n'est pas favorable à la politique radicale menée par celui-ci. En effet, en quelques mois, le gouvernement de Taraki lance de vastes réformes agraires, sociales, éducatives. Les dettes hypothécaires des paysans envers les propriétaires sont annulées, les terres sont redistribuées, les écoles sont déclarées mixtes. Sauf que l'Afghanistan est un vieux monde et pas totalement une nation. Sur ces terres, en effet, cohabitent peuples, clans, ethnies. L'islam est le seul lien pour ces multiples groupes. Autour de cette religion s'articulent les valeurs de la tribu, du village, des familles. Alors, face au changement dicté par Kaboul dès le mois d'août 78, les provinces se révoltent. Pour y mettre fin, le régime utilise la force. De nombreux notables et des représentants sont arrêtés, emprisonnés. Mais rien n'y fait, la révolte se développe, partout. Parmi les agitateurs, on trouve de nombreux chefs religieux. À Herat, par exemple, cette ville à la frontière de l'Iran où l'ayatollah Khomeini a pris le pouvoir le 15 mars 1979, à l'appel des mollahs, paysans et citadins convergent pour prendre la ville. En quelques heures, chaque bâtiment du pouvoir gouvernemental est investi. Face à la prise de la ville et à l'assassinat de conseillers soviétiques présents sur place, Kaboul décide, comme le lui permet le traité d'assistance militaire signé le 5 décembre 1978 entre les deux pays, de demander le soutien à l'URSS. L'aviation soviétique y est envoyée en appui des soldats et des blindés du gouvernement de Kaboul. Et la ville tombe en quelques heures. La répression est féroce. On parle de plus de 25 000 insurgés massacrés. Mais là encore, rien n'y fait. Tout au long du printemps 1979, la révolte contre le pouvoir de Kaboul se propage dans tout le pays. Et Taraki perd la main. Il est devenu un président à la tête d'un pays en pleine guerre civile. Dans les pages de nos journaux ou à la télé, on découvre alors ces hommes qu'on appelle maquisards de Dieu, dont Gulbuddin Hekmatyar, du Hezb Islami, qui ne croit pas à l'invasion soviétique. Les Russes n'interviendront pas dans les affaires afghanes par l'envoi de troupes, parce que jusqu'à ce jour, ils ont déjà envoyé beaucoup d'armements modernes, des tanks et des conseillers. Et certains de leurs conseillers prennent part de façon active au combat. Les Russes ne veulent pas faire plus. Et s'ils le font, la situation sera la même pour eux que celle des Américains au Vietnam ou en Iran. Effectivement, Brejnev et le bureau politique refusent de répondre à toutes les demandes de soutien militaire du gouvernement de Kaboul. Parce que l'ère est à la détente et à l'olympisme. Les Jeux de 1980 se dérouleront à Moscou. Alors personne ne croit vraiment à une intervention soviétique. Mais à la suite d'un nouveau coup d'État à Kaboul, en septembre 1979, et au gonflement des rangs du côté des rebelles, l'URSS décide d'agir. Dès le début du mois de décembre 1979, les témoins étrangers constatent une présence accrue de soviétiques autour de la capitale afghane. Le 27 décembre, les soviétiques entrent à Kaboul et attaquent le palais présidentiel. Le président est assassiné. Un certain Babak Karmal, choisi par l'URSS, le remplace. Comme en 1956, à Budapest, les soviétiques envahissent un pays et en changent le destin. La nouvelle fait le tour du monde et bouleverse la fin d'année des chancelleries. De Paris à Washington, de Londres à Téhéran, l'heure est au communiqué officiel et à la prise de contact diplomatique. Dès le 29 décembre, le président américain Jimmy Carter déclare: une ingérence aussi grossière de l'URSS dans les affaires intérieures afghanes est une violation flagrante des règles internationales. Les tentatives soviétiques de justifier cet acte par la charte de l'ONU constituent une perversion de l'ONU. Ces tentatives doivent être rejetées immédiatement par tous ses membres. Deux mois après le début de la crise des otages américains en Iran, le président Carter profite de l'occasion pour braquer les projecteurs ailleurs. Le 4 janvier 1980, il poursuit son offensive contre l'URSS. Il annonce l'arrêt des négociations SALT II sur le désarmement, l'instauration d'un embargo sur le matériel de haute technologie et il lance un appel au boycott des Jeux Olympiques. 10 jours plus tard, l'Assemblée générale de l'ONU condamne l'URSS et demande le retrait des forces soviétiques. La guerre froide ressurgit, il faut choisir son camp. En France, si le président Valéry Giscard d'Estaing qualifie dès les premières heures d'inacceptable l'opération soviétique, il refuse de se ranger totalement derrière le président américain. Depuis son arrivée au pouvoir, Giscard a toujours eu d'excellents rapports avec Brejnev. Il espère secrètement pouvoir jouer le rôle d'intermédiaire entre les deux blocs. Au sein de l'opposition gauche, on assiste à une division, disons, classique. François Mitterrand, futur candidat socialiste, condamne sans réserve l'invasion soviétique, à l'inverse du secrétaire général du Parti communiste français, Georges Marchais, qui lui justifie son soutien à l'URSS par la présence de bases militaires américaines au Pakistan. En Afghanistan, la démonstration est faite de l'existence de 30 camps d'entraînement militaire sur le sol du Pakistan pour intervenir en Afghanistan. Là, l'intervention extérieure est patente, elle est claire, elle est nette, et dans ces conditions, on comprend, je dis bien, on comprend que le gouvernement soviétique ait été amené à respecter le traité qu'il avait signé avec le gouvernement. pour le leader communiste français qui confiera un jour qu'à ses yeux le bilan de l'URSS est globalement positif, je reprends ces mots célèbres, ceux que l'on présente comme des résistants sont des hommes héritiers de temps féodaux qui pratiquent toujours le droit de cuissage. Cette dernière information est totalement fausse, c'est un élément de langage, une fake news comme on dirait aujourd'hui. Elle devait en fait décrédibiliser la résistance afghane. Tout au long du conflit, la fabrication de l'information sera complexe. La présence des correspondants étrangers contrôlés, refusés ou muselés. Pour informer, montrer, entendre, il faut donc prendre des risques. Dès l'annonce de l'invasion, nombreuses sont les rédactions à envoyer leurs journalistes au Pakistan, porte d'entrée vers ce pays désormais en guerre. Les premiers reportages diffusés à la télé française ont pour décor la région de Peshawar, au sein des bases arrières des rebelles. À Darat, par exemple, il est facile de trouver le nécessaire complet des moudjahidines afghans. Des armes, des munitions, des obus, oui, on peut tout acheter. Qu'est-ce que c'est comme fusil? C'est un G3. Yes, from where? Fabriqué où? Pakistan. Au Pakistan. On trouve des fixeurs également, des personnes qui vous permettent d'entrer dans le pays, ainsi que des représentants des différentes factions rebelles. C'est donc là, à Darat, que le journaliste Alain Danvers retrouve Gulbuddin Akhmatyar. Le nombre de Russes présents en Afghanistan nous importe peu. Ils ne peuvent contrôler le pays, qu'ils soient 100 000, 200 000, 300 000, 4, 5 ou même 600 000. Quelle sorte de gouvernement vous souhaitez pour votre pays, pour l'Afghanistan? Nous voulons établir un État islamique en Afghanistan. C'est pour cela que nous combattons. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu le moindre centime, la moindre cartouche du gouvernement iranien, pas plus que d'un autre pays islamique. Le Hezbi islamide Gulbuddin Akhmatyar compte parmi les plus intégristes des factions rebelles. Est-il majoritaire? Sa vision est-elle partagée par les autres factions de résistants parsemées sur tout le territoire? Au début de l'année 80, il est difficile de répondre à cette question. C'est que la rébellion afghane est à l'image de l'Afghanistan, multiple. La guerre, comme la place de la foi, évolue selon les latitudes, selon l'origine des résistants. Durant cette guerre, on ne se bat pas spécifiquement pour un territoire, mais pour son clan. Il n'existe pas, ou peu, de coalition. Pashtun, Tadjik, Hazaras, Turkmen, ou bien encore Baloutch, chacun fait sa guerre, chacun mène ses batailles. Ce qui les lie en revanche, c'est la lutte contre le pouvoir de Kaboul, la lutte contre les soviétiques et bien sûr, leur foi, comme le raconte Hakim, un rebelle afghan de 31 ans de la région de Jalalabad. Nous appartenons presque tous à des classes dépourvues de richesses. Notre armement face à la puissance de feu des soviétiques est dérisoire, mais nous avons un pouvoir spirituel. Dieu est avec nous dans cette guerre sainte que nous livrons aux ennemis de la foi. Si nous devions tous tomber au combat, nous serions quand même sauvés, car étant morts dans la voie de Dieu, les portes du paradis nous seraient ouvertes. Même si tous les pouvoirs athées du monde se liguaient contre les musulmans, ils ne pourraient pas nous empêcher d'atteindre notre but. On pourrait qualifier de drôle de guerre les premiers mois, voire les premières années du conflit en Afghanistan. La présence soviétique ne dépasse jamais les 110 000 hommes. Même si l'afflux de chars et de matériel venu du RSS est conséquent, les soviétiques demeurent, en tout cas dans un premier temps, une force de soutien au pouvoir central de Kaboul. Leur action se limite à la protection des grandes villes et des axes routiers. L'objectif est d'arrêter la propagation de la résistance, d'asphyxier les rebelles et de les contenir dans des poches. Des deux côtés, on se bat alors pour sauvegarder ses positions. On lutte pour une route ou pour un accès à une vallée, comme en mai 1980, près de la rivière Kunar, où se trouvent les journalistes Jean Bertolino et Jérôme Ricardou aux côtés des rebelles. Les moudjahidines de cette vallée ont attaqué le village de Babal. Vers 6 heures du matin, une colonne de chars soviétiques est arrivée sur cette route et deux chars ont sauté sur les mines. Et actuellement, comme vous l'avez vu là, il y a des chars qui sont en faction juste à l'entrée de la gorge. Les moudjahidines les ont encerclés et maintenant, vous voyez, la bataille a repris de jour et vous entendez là les mitrailleuses des tanks soviétiques qui sont bloquées sur la route et leurs canons aussi. Les moudjahidines occupent toute la montagne Et les soviétiques sont donc sur la route, bloqués, immobilisés, et ils tirent à coups de canons et à coups de mitrailleuses sur les montagnes alentours. Vous attendez les coups, et on ne sait pas quand se terminera la bataille. La grande angoisse ici, c'est est-ce que les hélicoptères vont venir ou pas, car c'est en général les hélicoptères qui font le plus de dégâts. Maintenant, je vous laisse regarder la bataille et les tanks qui sont toujours immobilisés là, au bord de la route. Face aux chars et aux hélicoptères, les maquisards afghans n'ont pour eux que la connaissance du terrain et quelques vieux fusils. Ont-ils été aidés? Le président américain Jim Carter, comme son successeur Ronald Reagan, débloque une aide financière qui, tout au long du conflit, ne fait qu'augmenter. L'Égypte et la Somalie aident également certaines factions rebelles. Et la France soutient-elle ses combattants? La question est complexe et changeante selon les présidences. Giscard reste en retrait des combats et préfère jouer la carte diplomatique. Il rencontre même Brejnev à Varsovie. À la suite de cette entrevue, le président français annonce un retrait partiel des forces soviétiques. Sauf que ce n'est pas le cas. Évidemment, François Mitterrand, leader de l'opposition, se saisit de ce faux pas lors de la campagne de 1981 et qualifie son concurrent de « petit télégraphiste de Varsovie ». Le 10 mai 1981, Giscard est remercié par les Français, Mitterrand entre à l'Élysée. À l'inverse de son prédécesseur, le président socialiste se veut plus ferme à l'encontre du pouvoir soviétique, tout en restant prudent et secret sur les liens qui pourraient se tisser avec certains chefs rebelles. Mais si la condamnation de l'agression est une chose, le soutien des rebelles en est une autre. Que sait-on vraiment des projets de ceux que les Américains nomment les combattants de la liberté? Peut-on soutenir des groupes qui ont pour objectif un État fondé sur le Coran? Pour l'heure, ils ne sont que les victimes d'une invasion étrangère. En France, la couverture médiatique est incroyable. Dès janvier 1980, de nombreux reportages sont diffusés. On découvre la vie des rebelles en sursis, la faiblesse de leurs armes, la force de leur foi. L'Afghanistan intéresse les Français. En 1981, on assiste même sur le plateau du journal d'Antenne 2 à la rencontre improbable entre Mireille Mathieu et Amin Wardak, le chef de la région qui porte son nom, situé à l'est de Kaboul. Je voulais poser une question. De quoi vivent-ils? Parmi ces résistants, il y a des hommes, des femmes, des personnes âgées. De quoi vivent-ils? Ils vivent dans les grottes qu'ils ont fait pendant l'hiver. C'est humide et plein de neige et tous les villages sont bombardés. Il n'en a pas de nourriture, pas de médicaments. C'est terrible ça. Je me suis dit que peut-être ils vivent par la foi, parce qu'ils ont une telle envie de vaincre. Et que peut-être ça leur donne une force, une énergie. Normalement, la seule chose, c'est le courage de la personne, parce que nous, on a eu beaucoup de guerres dans notre histoire. Et... Oui, cette guerre coûte très cher tout de même en hommes. Quels sont le niveau des pertes dans vos rangs? Jusqu'à maintenant, on a eu à peu près 500 000 morts pour les Mujahideen, mais de toute façon, nous, on a cette idée, si tant qu'on a un goût de sang dans notre corps, on bat contre les ennemis soviétiques. Amin Wardak est l'un des premiers visages de la lutte afghane. Comment est-il venu en France? Eh bien, grâce à l'estime et au soutien d'un Français, Patrice Franceschi, romancier et aventurier. Les deux hommes se sont rencontrés au tout début de la guerre, au mois de janvier 1980. Franceschi était accompagné d'un jeune photoreporter, Pascal Manoukian. Les deux baroudeurs étaient venus enquêter sur la guerre civile. Sauf que le 27 décembre 1979, les soviétiques ont envahi le pays. Après avoir assisté à leur arrivée, ils ont cherché à rejoindre les rebelles. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont rencontré Amin Wardak. Pendant des semaines, il découvre ce chef afghan parlant français rentré d'Iran pour défendre son clan. De retour en France, Franceschi devient en quelque sorte l'attaché de presse de Wardak. Parce qu'il croit en cet homme, il croit en la justesse de son combat. Alors, pour populariser sa lutte à travers le monde et solliciter des aides financières, Franceschi le fait venir en France dès 1981. Grâce à lui, Wardak évoque sa lutte auprès des médias, des officiels, des ONG. Pendant l'hiver 81-82, Wardak rencontre entre autres la première dame, Danielle Mitterrand, Régis Debray, mais aussi les équipes de Médecins du Monde, de Bernard Kouchner. Des volontaires, des ONG sont les seconds compagnons français des Moudjahidines afghans. Dès le début du conflit, par conviction anti-soviétique, par humanité, charité, aventure, la société civile française se mobilise pour venir en aide aux Afghans. On envoie d'abord des vivres et puis, peu à peu, des volontaires d'ONG, dont de nombreux French docteurs, s'envolent vers l'Afghanistan afin de venir en aide à sa population prise sous les bombes. Parmi les Français volontaires, il y a cette infirmière d'aide médicale internationale, Frédéric, que les journalistes Jérôme Bonny et Christophe de Ponfilly filment dans la vallée du Panchir pour leur documentaire intitulé « Une vallée contre un empire ». Nous venons de passer la frontière afghane il y a 5 heures à peine et déjà dans ce paysage qui peut sembler idyllique, nous sommes en pleine ignominie. Chamansour, un des moudjahidines de ce groupe, vient d'être victime d'une bombe antipersonnelle. Les mines antipersonnelles sont des mines qui sont parachutées, qui sont envoyées par les hélicoptères soviétiques dans le paysage, un peu partout, qui sont à la couleur du terrain et sur lesquelles les gens peuvent marcher et être estropiés. Et puis il y a pire encore, certaines de ces mines sont camouflées en objets comme des montres ou des bracelets ou des boîtes d'allumettes. Et à ce moment-là, les personnes qui veulent ramasser un de ces objets, que ce soit des enfants ou des femmes, sont également estropiées. En l'occurrence, comment est-ce que ça s'est passé exactement, Frédéric, tu étais là? Oui, on venait juste d'arriver, on était en train de se reposer, on attendait le thé, et on a entendu un coup de feu ou une bombe, je ne sais pas ce que c'était. Tous les moudjahidines et nous sommes cachés derrière des rochers, et puis on a attendu que ça se passe. Et après, on a regardé, on a vu un groupe d'hommes de l'autre côté de la rivière qui... Enfin, on s'est demandé ce qui se passait, on s'est dit peut-être qu'il y a un blessé. Et puis un homme a passé le ruisseau à quatre pattes. Et puis on nous a fait signe de venir, il fallait un médecin et on a vu que l'homme avait le pied arraché. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire là? On va l'amputer, il n'y a que ça à faire. Refuge, les montagnes peuvent devenir également des pièges tendus par les soviétiques et les parsèmes de mines antipersonnelles. Ces longues marches de rebelles à travers les plaines et les montagnes au début des années 80, on en a vu des dizaines à la télé en France. La guerre afghane ressemble à une journée sans fin entre des rebelles sans armes, sans chef, et des soldats soviétiques perdus dans un pays qui n'est pas le leur. Alors, quand et comment cette guerre a-t-elle pris fin? शामा पैया तेरे बिना तू घर ढोलना रो रख मैं दिवा सदा तू घर ढोलना शामा पैया तेरे बिना तू घर Sept fois nos maisons ont été détruites par les soviétiques. Sept fois nous les avons reconstruites. Voilà notre quotidien. Nous ne voulons rien d'autre que le départ des soviétiques de notre pays. L'URSS a agressé notre religion. Voilà notre vie de tous les jours. Chaque jour, ils viennent bombarder. Tous les avions qui ont été inventés de par le monde viennent nous jeter des bombes. Dame, dame, dame, et nous n'avons plus rien. Ce témoignage est diffusé à la télé en janvier 1985. Cela fait déjà plus de 5 ans que l'invasion des Soviétiques a commencé. 5 années durant lesquelles les Moudjahidines afghans tentent tant bien que mal de vaincre les chars et les bombardiers soviétiques. 5 années où l'opinion internationale se passionne pour le combat de ces soldats de Dieu contre le pouvoir à Kaboul et l'ingérence soviétique. Dans les médias, aux côtés du Pashtoun Amin Wardak, une nouvelle figure émerge, le commandant Massoud. Comme Wardak, il a une trentaine d'années, parle un peu le français. Lui est tadjik, il est du nord du pays, de la vallée de Panjshir. Sa faction, le Jamiat al-Islami, charismatique, intelligent, il doit sa popularité au journaliste français Christophe de Pontfilly, qui lui a consacré un long reportage en 1982. 2 ans plus tard, il le retrouve. Ensemble, ils font le point sur la situation. Dans l'avenir, nous sommes convaincus de notre victoire contre l'armée soviétique. Mais il est important de souligner à ce propos que la guerre en Afghanistan a atteint un point sensible. En 1984, les soviétiques ont augmenté considérablement leur armement et leurs effectifs. Malgré tout, nous croyons fermement en notre victoire. À partir de 1983, la stratégie soviétique évolue. D'abord, force de soutien, les soviétiques prennent les choses en main en s'impliquant davantage sur le terrain. De façon répétitive, ils bombardent des zones afin d'épuiser moralement et physiquement les poches de résistance. En plus des mines antipersonnelles, de l'utilisation d'hélicoptères de combat, les journalistes sur place constatent également l'augmentation de l'utilisation de bombes incendiaires. Malgré tout, les Moudjahidines résistent. Ils n'avancent pas, mais ne perdent que très peu de terrain. Bref, c'est l'impasse, et pour les soviétiques, c'est le bourbier. L'histoire de cette guerre connaît un tournant décisif quelques mois après l'interview de Massoud que vous venez d'entendre. En mars 1985, Mikhail Gorbatchev succède à Konstantin Tchernenko, un cacique du Politburo sans saveur et sans charisme. Sur la place rouge, c'est révolution de palais. Dès son arrivée au pouvoir, Gorbatchev lance un vaste plan de réformes sociales, économiques, politiques. Tout est mis à plat. La perestroïka ne concerne pas seulement la politique intérieure du pays, mais ses rapports avec la communauté internationale. États-Unis en tête, évidemment. En novembre 85, Gorbatchev rencontre Reagan à Genève, là où depuis 3 ans, des négociations entre le gouvernement afghan et le Pakistan se sont ouvertes sous l'égide de l'ONU. La rencontre est courtoise, mais l'Américain se méfie. Qu'importe, Gorbatchev poursuit son chemin. Il avance seul pour montrer sa détermination à changer l'URSS. Et c'est ainsi que le 27 juillet 1986, le journal de France Inter annonce une nouvelle inattendue venue de Vladivostok. À Moscou, nouvelle offensive de charme du numéro 1 soviétique en faveur du désarmement. Le numéro 1 soviétique a annoncé ce matin que 6 régiments de l'armée rouge allaient être retirés de l'Afghanistan d'ici la fin de l'année. Cependant, Ulysse Gosset, je crois qu'il faut relativiser la portée de ce geste quand l'on sait que ces 6 régiments en question ne représentent que 6000 hommes sur les 100 000 soldats soviétiques actuellement en Afghanistan. C'est effectivement bien peu, trop peu pour que le retrait annoncé par Mikhail Gorbatchev puisse être considéré comme le début d'un véritable désengagement militaire. Il s'agit bien d'un geste, mais seulement d'un geste, en direction des Occidentaux d'abord, et cela ne mettra pas fin à la terrible guerre engagée depuis près de 7 ans dans les montagnes et les hauts plateaux afghans. Certes, il ne s'agit que d'un faible retrait, mais c'est un premier pas non négligeable qui annonce, en réalité, l'ouverture de négociations. À partir de 1986, l'URSS, comme le gouvernement de Kaboul, accepte l'idée d'un retrait des forces soviétiques. Seul le calendrier pose problème. Durant de longs mois, les négociations se poursuivent à Genève, mais sur le terrain, les combats continuent. Pire, ils s'intensifient. Pourquoi ? Eh bien, comme c'est souvent le cas, l'ouverture de pourparlers s'accompagne d'une augmentation des opérations sur le terrain. Pour chaque camp, il est en effet important de consolider ses territoires et son influence avant d'arriver à la table des négociations. Si l'année 1987 est une année de détente sur le plan international, elle n'est en rien une période d'accalmie pour les combattants et les civils afghans. Tout au long de l'année, en effet, les soviétiques poursuivent leurs bombardements intensifs. De leur côté, les États-Unis renforcent leur soutien auprès des forces rebelles. C'est durant cette période, par exemple, que de nombreux rebelles bénéficient des missiles américains Stinger. Grâce à cette arme, ils détruisent plus facilement les avions soviétiques et accentuent ainsi la pression sur l'URSS qui lâche peu à peu du lest à Genève. Le 8 février 1988, Gorbatchev annonce le début du retrait des forces soviétiques. Deux mois plus tard, le 14 avril, les accords de Genève sont signés. Et le 15 février 1989, comme convenu par ces accords, les derniers soldats soviétiques quittent l'Afghanistan. En 110 mois d'occupation, près d'1 million de soldats russes se sont reliés en Afghanistan. Plus de 14 000 y ont perdu la vie. Côté afghan, on estime le nombre de victimes à plus d'1 200 000, dont 80% de civils. La guerre cesse-t-elle pour autant? Non. Le pouvoir de Kaboul est toujours là. Seul, il perd mois après mois de vastes terrains. Pendant 3 ans encore, les combats feront rage contre le pouvoir central, mais aussi entre les différentes tendances moudjahidines. De cette guerre, une faction de la résistance sort du lot, l'Alliance du Nord, dirigée par le commandant Massoud. En avril 92, le lion du Panjshir, comme on le surnomme, entre à Kaboul. La République est dissoute. L'État islamique d'Afghanistan est créé. Un gouvernement composé de représentants des différentes factions résistantes est annoncé, mais la paix n'est toujours pas une réalité. Les hommes à la tête du pays sont des Afghans nés à des latitudes différentes, rappelons-le. La guerre et la religion les ont liés, certes, mais aucun accord, aucun programme n'a été pensé, acté, imaginé en commun. Alors de nouveau, c'est par les armes que le destin de l'Afghanistan est tranché. Dès 1992, s'ouvre une lutte sanglante pour le pouvoir. Une période durant laquelle on tue, on viole, on assassine. C'est dans ce contexte de terreur qu'Amin Wardak quitte son pays. Menacé de mort, il rejoint la France en mars 1995. Massoud, lui, sera chassé par les talibans, mouvement fondamentaliste islamiste soutenu par le Pakistan qui entre à Kaboul en 1996. Massoud retourne dans son Panjshir natal où il reprend les armes, protégé par ses compagnons. Il est finalement assassiné le 9 septembre 2001, quelques jours avant l'attentat du World Trade Center par les hommes d'Al-Qaïda, une organisation terroriste qui prend racine avec cette guerre-là en Afghanistan, oui, en alimentant la résistance afghane contre les forces armées soviétiques avec le concours du Pakistan et de son allié américain, comprenez la CIA. D'aucuns diront que les États-Unis ont laissé fabriquer le monstre qui allait leur porter le coup le plus terrible depuis Pearl Harbor le 11 septembre 2001 et qui allait changer le monde pour longtemps. Kitchen. Go little thing, call the Kettle's Kitchen. Go little thing, Vous écoutez France Inter, et en particulier Affaires Sensibles aujourd'hui, l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques durant la décennie 80. Notre invité Pascal Manoukian, bonjour. Bonjour. Je rappelle que nous vous avons cité dans le récit, donc les auditeurs savent déjà qui vous êtes, ce que vous avez fait, je vais quand même le rappeler. Vous êtes grand reporter, l'un des fondateurs de l'agence de presse Kappa, et auteur d'un ouvrage intitulé « Au royaume des insoumis », qui est un carnet de vos photos prises lors de vos différentes missions en Afghanistan durant cette décennie des années 80. On va commencer par l'année 80, même 79. Hein. Le 27 décembre de cette année-là, vous êtes à Kaboul avec Patrice Franceschi, c'est bien ça ? C'est ça. Bon, pourquoi êtes-vous là déjà et que voyez-vous ? Alors moi, à l'époque, j'ai 23 ans, je voudrais commencer dans la correspondance de guerre. J'ai un camarade avec qui je viens de passer 8 mois en Amazonie qui s'appelle Patrice Franceschi, qui a la même idée. On cherche un conflit un peu éloigné, un peu difficile d'accès, parce que justement, on veut débuter dans ce métier, on cherche un endroit où on a une chance de réussir. Et Patrice pense à l'Afghanistan et décroche un contrat avec un éditeur pour faire un livre et me propose de me joindre comme photographe. Alors, bon, pourquoi l'Afghanistan ? Parce que c'est l'hiver, parce que personne ne connaît cette résistance, tout le monde s'en fiche, et les journalistes et les journaux. Mmh. C'est une résistance qui se bat contre un régime communiste local qui n'intéresse pas grand monde. Et il faut passer des cols à 3000 mètres. Il faut à peu près un mois pour rentrer en Afghanistan. Il n'y a pas de filière existante. Donc voilà, on se lance. Patrice a son contrat. Moi, j'emprunte 1000 francs pour me payer un billet d'avion. Et nous débarquons 3 semaines avant les Soviétiques. Dans la montagne, on découvre des bandes hétéroclites de paysans, d'étudiants, de religieux, de déserteurs de l'armée qui sont sous-équipés, qui vivent dehors avec des vieilles armes de la guerre de 45, des fusiliers Enfield. Voilà. Et tout d'un coup, le 27 décembre, en écoutant la BBC, on entend que les Soviétiques ont envahi l'Afghanistan, donc on sait qu'on est au bon endroit et au bon et moment. Et vous êtes où là, précisément? On est dans l'état de Zaboul, au sud, avec les troupes de Gulbuddin Hekmatyar, justement. D'accord. Le célèbre. Mm-hmm. Et voilà, on comprend que nous, on est au bon endroit, au bon moment pour commencer dans ce métier. Et tout d'un coup, ces gueux qui n'intéressaient personne deviennent les combattants de la liberté. C'est-à-dire, tout d'un coup, ils deviennent, dans ce monde divisé en deux, le fer de lance de la lutte contre la barbarie communiste, comme bien on disait. Est-ce que vous passez à Kaboul, à ce moment-là ? Alors, je ne passe pas à Kaboul parce que... Alors, une autre ville. Est-ce que vous passez en milieu urbain, dans une autre ville, et que voyez-vous dans les villes ? C'est-à-dire que on sort d'Afghanistan avec nos premières photos, parce que les journaux sont très intéressés, et ensuite, je reviens au début de votre histoire, on re-rentre par la passe de Raïber, puisque personne ne pouvait rentrer en Afghanistan, et on se dit comment on rentre, on va essayer de rentrer à pied. Et à pied, on explique aux douaniers qu'on est ces fameux routards qu'ils voyaient juste avant l'invasion, et que nous, on veut juste aller fumer un peu de shit tranquille, et on espère qu'il n'y a pas de conflit. Et donc le douanier nous vend son pays, nous disant « allez-y, rentrez ». Et on débarque le jour de l'an de 79, là où le président est assassiné. On trouve un hôtel, et dans cet hôtel, il y a que des Russes en survêtement qui nous disaient tous être profs de gym. Donc, en fin de compte, voilà, c'est la garde avancée de l'armée russe. Et j'essaye après, un peu déguisé à l'afghane, les premières photos des troupes parachutistes russes, quoi. Mais comment on vit à Kaboul à ce moment-là? Les gens, comment... C'est un pays occupé, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment, tout d'un coup, il y a une armée étrangère qui a débarqué, en plus avec un contraste énorme entre les parachutistes russes et les Afghans de Kaboul. Donc les gens sont assommés, comme dans toute occupation, hein. Chacun essaye de comprendre ce qui se passe. Certains se rapprochent de l'occupant, d'autres le combattent déjà. D'autres repèrent le journaliste déguisé en Afghan que je suis. Il y en a qui le protègent et puis il y en a qui le dénoncent. Voilà, quoi. C'est une occupation classique. Alors vous, le faux junkie mais vrai journaliste déguisé en Afghan, vous faites la rencontre d'Amin Wardak. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous le rencontrez ? Alors, Patrice Franceschi repart au bout de 3 mois chez son éditeur pour lui reparler de l'histoire, parce que l'histoire a changé. Et moi, je suis chargé de traîner un peu à Peshawar pour rencontrer un commandant qui nous amènerait... Peshawar au Pakistan. Au Pakistan, hein, qui nous amènerait dans la résistance. Et je croise Amin Wardak, qui était un guide français pour des groupes français en Iran, donc qui parlait un peu français, et dont le père avait dit « tu reviens défendre la province, parce que comme tous les Afghans, tu te dois à ton pays ». Et Amin cherchait des armes. Il essayait de trouver des armes au Pakistan pour armer sa province. Et donc il s'apprêtait à re-rentrer avec une petite caravane d'armes. Et je lui ai demandé si on pouvait repartir avec lui. Et donc on a fait cette traversée qui normalement met à peu près une dizaine de jours par la montagne, par l'école. Bon là c'était il y avait d'énormes offensives soviétiques et on a mis 4 semaines à rejoindre la province qui s'appelle donc le Warbach et qui porte son nom. Alors, cet homme est important. Qui est cet homme? La famille est très importante parce que c'est une famille qui est très respectée en Afghanistan, parce que la famille Warbach, à chaque fois que le pays a été en danger, a pris les armes. Donc ils ont ce respect-là. Ils ont ce respect-là, c'est une famille pachtoune et qui a toujours défendu le pays depuis les invasions anglaises, a toujours bouté l'ennemi, en tous les cas participé à bouter. Voilà. Donc ils ont cette réputation d'être droit et courageux. Sinon, c'est un garçon qui n'était pas appelé à faire la guérilla, mais qui a pris le rôle que son père lui a assigné. Un bon commandant et un bon guerrier qui défend une province qui est quand même traversée par une route avec des plaines, donc très difficile à défendre, et puis qui tout de suite a l'idée que il faut faire la guerre, mais il faut faire autre chose, il faut aussi s'occuper des populations civiles. C'est un modéré, il fait partie du parti royaliste le moins enfin oui, c'est un des partis les plus modérés. Hein, Gulbuddin Hekmatyar est à long bout de la... Et donc il se dit, voilà, il faut faire ça, mais il faut aussi... Ça veut dire que pendant la résistance, il pense déjà à l'après. Exactement, toujours. C'est quelqu'un qui pense à la population de sa province. Il pense, c'est comme ça qu'on va le mettre en contact avec Kouchner, que Médecins du Monde va ouvrir ses dispensaires là-bas. Alors justement, puisque vous parlez de ça, la guerre en Afghanistan, cette guerre-là, c'est aussi la guerre d'une époque, celle de la télévision spectacle, de l'humanitaire cathodique, des nouveaux philosophes aussi. Alors parmi les acteurs de cette époque, il y a évidemment, et vous venez de le citer, Bernard Kouchner. En 1986, il profite de la sortie de son livre intitulé « Charité Business » pour inviter son ami Amin Wardak sur le plateau du journal d'Antenne 2 et pour lancer un cri de colère qu'on écoute ensemble. Amin Wardak, qui est mon ami, en effet, est le chef d'une grande famille dans le Wardak en Afghanistan. Et c'est un homme qui se bat dans son pays contre les troupes soviétiques et qui n'a pas fui, comme un certain nombre des représentants de la haute bourgeoisie en Afghanistan, et qui va nous dire comment ça se passe. Si j'ai choisi de parler avec Amin Wardak, alors que ce livre s'appelle « Charité Business », c'est parce que vous avez dit tout à l'heure que la mode est terrible, qu'il y a des espèces de focalisation, que le projecteur se braque sur l'Éthiopie, le Quart-Monde, etc. Et il y a les oubliés de la charité. Qui parle des Polonais, de ces 5 hommes en grève de la faim après la visite de Jaruzelski? Personne. Qui parle de l'Afghanistan? Plus personne. Vous-même, à Antenne 2, depuis Jacques Abouchard, depuis 2 ans, pas un reportage. Non, en fait, la question est simple, c'est pourquoi on n'aide pas l'Afghanistan? Et moi, je peux vous répondre, désolé. Mais parce que c'est pas un combat de gauche, et que l'opinion publique, c'est la gauche, ceux qui collent des affiches, qui vont dans les meetings. On n'a pas encore l'habitude de se battre contre l'Union soviétique au nom de la liberté. Deuxièmement, ce sont des musulmans, et nous craignons les musulmans en ce moment, et on met sur le dos des Afghans tout ce qui vient d'ailleurs, Kadhafi, Khomeini, les Palestiniens, les bombes. Or, ces gens-là sont au contraire les alliés des soviétiques contre l'Afghanistan. Et ensuite, on a peur qu'on nous refasse le coup de Khomeini et de la religion. Et malheureusement, tout ça est faux. L'Afghanistan conscience, de quelques consciences, s'éclairer en France, qu'est-ce que ça vous... Moi, je suis pas loin d'être d'accord avec beaucoup de choses, avec Kouchner. C'est vrai que on parle aujourd'hui de république islamiste, mais à l'époque, ça n'avait pas, au début des années de la guerre, ça n'avait pas ce sens-là. C'est-à-dire, moi, j'ai passé mes 5-6 premières années à dormir dans les mosquées. Les Afghans étaient très contents que des étrangers prennent le risque de venir parler de leur... De leur situation. On ne m'imposait jamais, on ne me parlait jamais d'imposer l'islam ailleurs. Bon, les choses ont changé dans les années 86, on expliquera sans doute pourquoi, mais effectivement, il y a eu un grand engouement au départ, et puis finalement, on sait, il y a d'autres... Mais allez-y, 86, qu'est-ce qui se passe? 86, c'est la première année, si vous voulez, où moi, qui fréquente l'Afghanistan quasiment tous les ans, avec des bandes différentes, là, on me dit, attention, Pascal, là, il faut que tu sois sourd et muet, faut plus parler. Quand on va s'arrêter dans des chaïrana, les petits endroits où on s'arrêtait la nuit pour dormir, parce que il y a les hommes blancs, les turbans blancs. Et c'est les premiers groupes, alors on dit 85, 86, moi je les ai repérés en 86, qui arrivent, les wahhabites, les djihadistes étrangers, les donc, hommes... Donc il y a des brigades internationales alors? C'est un nouveau parti qui se crée, et il y a donc, on fait venir, il commence à y avoir des gens qui viennent d'ailleurs, et tout ça, alors on a découvert après, principalement sous la férule de Ben Laden et des camps d'entraînement qu'il a au Pakistan. Est-ce qu'il y a des Occidentaux Qui viennent aux côtés des rebelles par idéologie, anticommunisme, que sais-je encore. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu très peu de mercenaires. Moi, j'ai vu deux mercenaires étrangers, un japonais et un australien. L'Australien est mort écrasé par un char en essayant de faire un plan de propagande en passant sous un char piloté par un Afghan. Ça lui a pas réussi parce que les Afghans venaient juste de découvrir le char. Donc, côté mercenaires, simplement, il n'y a pas parce que simplement les Afghans n'ont de leçons à recevoir de personne. Et ça a commencé uniquement avec les djihadistes, c'est-à-dire les gens qui finalement sont venus faire en Afghanistan une autre guerre sainte. Voilà, c'est pour ça que je parlais de brigade. Celle qui était celle des Afghans au départ, bien sûr, quoi. Bien sûr. Bien sûr, il y a eu des gens d'un peu partout, hein. Alors, je reviens à Wardak, qu'on n'a pas quitté d'ailleurs depuis quelques minutes. Il rencontre Daniel Mitterrand, hein, pendant l'hiver 81-82. Oui. Qu'est-ce qui se dit entre madame et cet homme? Je reviens juste deux secondes sur Franceschi. Franceschi était beaucoup plus qu'un attaché de presse, hein, pour Amin Wardak. C'est Franceschi, à mon compagnon donné, d'armes ou pas? Je crois qu'il a écrit. Franceschi, si vous voulez, a trouvé le journalisme trop étroit dès le début et s'est engagé à faire connaître la cause afghane. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il continue avec les Kurdes de Syrie. Il fait beaucoup de choses avec eux. Et en tous les cas, bref, il avait fait venir Amin Wardak, qui d'ailleurs dormait entre chez lui et chez moi à ce moment-là. Pour essayer de lui faire rencontrer les politiciens français. Et je me souviens d'un meeting où il avait rencontré Madame Mitterrand qui comme ça, gentiment, lui disait « si je peux faire quelque chose pour vous ». Et les Afghans étant des gens entiers, Amine a dit oui, donc elle était un peu surprise, en disant « mais qu'est-ce que vous voulez ?» Et Amine, qui s'occupait toujours du bien des gens de sa province, qui avait fait venir des vaccins, qui avait fait venir des médecins, voulait faire venir des tracteurs. Donc il dit « j'aimerais bien trois tracteurs pour pouvoir remettre en route la production dans ma province ». Et comme elle était... femme du président qui lui-même... enfin, il y avait à l'époque la Régie Renault. Ouais. Et tout d'un coup, ces trois tracteurs, finalement, ont été pris sur le stock de la Régie Renault. Et ils ont mis, je crois, un an et demi à arriver par la montagne. C'était un enfer, jusque dans le Wardak. Et ils ont tourné pendant longtemps dans le Wardak. Alors, donc il porte le nom de cet homme, hein, on le rappelle. François Mitterrand, quelle est la politique de François Mitterrand par rapport à ce conflit-là, finalement? Je crois que en tous les cas, je parle de François Mitterrand parce que donc il arrive en 81 et c'est donc lui le président français qui est installé au moment de cette guerre. Bah, je crois que les Français ont toujours gardé des contacts diplomatiques avec la résistance afghane. Je crois qu'ils ont fait militairement beaucoup plus de choses diplomatiquement pour ne pas que la résistance afghane se trouve isolée que militairement. Je sais que militairement, si vous voulez, en 86, parce que c'est un grand tournant de la guerre, l'arrivée des djihadistes, l'arrivée des missiles Stinger dont vous avez parlé, qui ont changé la donne, j'imagine, quand même, oui. Un peu quand même. Ah, mais totalement. Ah, totalement. Parce que si vous voulez, l'aviation soviétique avait la maîtrise totale des airs. C'était mortel. Nous-mêmes, on était les hélicoptères descendaient à 300 mètres et vous explosaient parce qu'ils étaient blindés et que vous ne pouvez rien. Ouais. Et à un moment donné, en 86-85, on arrive et on s'aperçoit que les MiG volent à 2000 mètres, hein, et que les hélicoptères ne descendent plus. Donc les Stinger, sauf que les Américains ont livré leurs Stinger aux groupes les plus extrémistes. Parce que l'ennemi de leur ennemi. Eh oui, bien sûr. Donc ils ont armé Gulbuddin Hekmatyar, ils ont armé. Les Français, eux, ont armé les Afghans de missiles Milan. Et il y a des Afghans qui sont venus s'entraîner dans une base près d'Orléans. Et les Français ont choisi plutôt les groupes modérés. Voilà. Donc en 86, les Afghans se sont retrouvés équipés de missiles Milan contre les chars. Donc les Russes ont été très impactés. Et de missiles solaires contre les MiG et les Mi-24, les hélicoptères blindés. Alors la lucidité de Gorbatchev fait que, je résume ça comme ça, lucidité de politique de Gorbatchev, je crois que c'est vraiment ça. Vous êtes d'accord? Oui, fait que les Soviétiques s'en vont. Hein, c'est-à-dire que pour une fois, il y avait quelqu'un à la tête de l'URSS qui acceptait la discussion. Voilà. Donc et surtout, pardon, il y avait aussi en URSS la population. On avait assez de cette guerre. Ils comprenaient en recevant les cercueils plombés, les familles recevaient les cercueils plombés, que finalement, c'était pas la guerre qu'on leur avait vendue. Donc ça montait beaucoup aussi. Alors 89, les Soviétiques, pour toutes ces raisons, s'en vont. Et puis la guerre continue alors entre Afghans. Et puis en 92, arrive en vainqueur à Kaboul, un homme au charisme immense, qui s'appelle Massoud. Le commandant Massoud, Jérôme Bonny, était sur place. On va écouter un extrait de l'entretien que lui a donné le commandant Massoud. Par la grâce de Dieu, nous rentrerons vite dans Kaboul. Au point de vue militaire, nous n'avons aucun problème pour rentrer à Kaboul, mais il faut résoudre d'autres questions pour éviter un bain de sang. Quel régime est-ce que vous voudriez installer en Afghanistan? Notre désir de toujours est d'installer une république islamique en Afghanistan. Alors, on va parler du commandant Massoud. Je rappelle qu'il a été assassiné deux jours avant les attentats de septembre 2001, donc le 9 septembre 2001. C'était une figure charismatique, un peu guévariste presque, une sorte de Che Guevara du coin, si j'ose dire. Oui, c'était un mythe. C'est un mythe. Mais qu'est-ce qui fait que cet homme... Parlez-moi, est-ce que vous l'avez rencontré? Alors justement, c'est ce que j'explique toujours. Moi, je dis que j'ai passé 10 ans en Afghanistan quand je signe ce livre. Et les gens me disent, la première question c'est, vous avez connu Massoud? Et dès que je dis non... C'est vrai qu'il fascine. Hein. Parce que volontairement, je n'ai pas connu Massoud. Je sens une petite déception chez les gens. Quoi. Mmh. En fin de compte, c'est la rencontre entre Christophe de Pompili, qui était un ami, et Massoud. Et je pense que Christophe a fait Massoud. On a besoin de symboles. Le lion du Panchir, c'était formidable. Et Massoud a fait Christophe de Pompili. Voilà. Et il y a eu comme ça des écoles dans ce conflit. Voilà. Mais au-delà de la com, c'est un vrai chef de guerre. Qui est cet homme? C'est un vrai chef de guerre. C'est un très très bon militaire. Simplement, il n'a pas gagné la guerre tout seul. Il y a eu des centaines de commandants comme Massoud qui souvent étaient dans des provinces beaucoup plus compliquées à défendre que les montagnes du Panchir. Vous parliez d'Herat tout à l'heure, il y avait Ismail Khan qui faisait partie du même parti que Massoud qui défendait une plaine. Quand vous défendez une plaine contre les soviétiques, c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a eu des centaines ou des dizaines en tous les cas de commandants qui, comme Massoud, sont morts assassinés. L'histoire ne retient que Massoud, donc c'est parfois un peu énervant. Mais bien évidemment, ça a été un très grand chef de guerre et... comme beaucoup de résistants qui arrivent au pouvoir, il n'a pas tout à fait été à la réputation, à la hauteur de sa réputation, qu'il avait fait naître, en tout cas. Parce que bien évidemment, vous l'avez cité, il est accusé d'avoir fait un certain nombre d'exactions envers des populations chiites. Et puis vous parlez de l'Alliance du Nord. Dans l'Alliance du Nord, il y avait Massoud et puis il s'était allié à un général qui s'appelait Dostom, qui était un ancien communiste qui avait retourné sa veste et qui était quelqu'un qui a traumatisé les Afghans pendant l'occupation soviétique. Donc voilà, après, là, les choses deviennent autrement. Alors je ne sais pas si c'est resté dans l'image d'Épinal ou dans le mythe que de penser qu'éventuellement Massoud aurait pu mettre un régime plus libéral en Afghanistan. C'était quoi son modèle de société? Il dit État islamique, ça ne veut pas dire non plus de dictature, on ne sait jamais. Alors, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il voulait? Au tout début, Massoud est assez proche des frères musulmans et assez proche de Gulbuddin Hekmatyar. Mm-hmm. Et puis ensuite, il se sépare, mais disons qu'il fait partie quand même de la partie la plus islamiste de tous les partis afghans. Qu'est-ce qui serait devenu? Je ne sais pas. En tous les cas, ce qui est très intéressant chez Massoud, c'est que dans la période Pompili et soviétique, c'est le commandant qui allume Mao et qui parle français. Et ensuite, dans la partie guerre civile contre les talibans, dans plus aucune interview, il parle français. Et il ne rappelle qu'il a l'Umao, parce que tout d'un coup, il se bat contre des gens qui veulent défendre autre chose que ces valeurs-là. J'ose espérer qu'il ait fait un bon commandant, mais je suis pas persuadé quand même qu'il y a eu beaucoup de compromissions, quoi. Bon. D'être iconoclaste avec Massoud. Mais non, c'est la vérité, fois, c'est la vérité que vous voulez évidemment rapporter. Alors, que se passe-t-il entre le moment où Massoud s'en va et les talibans? Et pourquoi les talibans arrivent et dans quelles conditions? Alors moi, j'y suis pas retourné en Afghanistan après l'invasion soviétique. Mais ce que je sais, c'est que j'ai connu beaucoup de commandants. J'ai reparlé avec des commandants qui étaient des gens modérés et qui finalement, parfois, se sont ralliés aux talibans. Et je crois que on a beaucoup parlé de gens qui se sont fait acheter. Je crois que tout simplement, les talibans arrivaient du Pakistan en disant aux Afghans, voilà, vous êtes battus pendant 10 ans comme des chiens contre les Russes. Vous venez sortir de 10 ans de guerre civile, vous êtes engagé en une guerre civile. Voilà. Finalement, qu'est-ce qu'on a en Afghanistan? On a un livre qui s'appelle le Coran, où finalement, si on le suit à la lettre, pourquoi on ne revient pas jusqu'à... Suivons ce livre à la lettre et peut-être qu'on retrouvera... Et les gens étaient tellement... tellement fatigués par tout ça, ils le sont toujours d'ailleurs, parce que la guerre continue quand même, que beaucoup ont rejoint les talibans pour ça, en tous les cas. D'accord. Et entre-temps, dans votre livre d'ailleurs, à l'année 1986, vous parlez de l'ombre de Ben Laden et de ses camps d'entraînement situés à la frontière pakistanaise et financés, aidés en tout cas par la CIA. Quels sont les liens entre cette guerre et la naissance d'Al-Qaïda? Le lien, il est évident, il est là? Bah, le lien, c'est que les Américains ont armé des groupes en pensant qu'ils resteraient leurs alliés, et ces groupes-là, qui étaient des groupes radicaux, c'est le début de l'islam radical, hein. Parce que cette guerre, on en parle aujourd'hui parce que c'est le monde d'aujourd'hui, c'est la fin de l'Empire soviétique. Bien sûr. Elle a des raisons, c'est immense. Le début de l'hégémonie américaine et le début de l'islam radical. Et tous ces groupes composantes radicaux d'aujourd'hui. Voilà. Et tous ces groupes radicaux ont accepté l'aide. Les armes des Américains, mais dès que les Soviétiques sont partis, ils les ont retournés contre les Américains. Et oui. Et les Américains savaient très bien qui était Ben Laden et où il avait été, puisque... Les Américains ont contribué à fabriquer un monstre qui s'est retourné contre eux, en gros. Bien sûr. Ont contribué. Bien sûr. Voilà. Merci, Pascal Manoukian. Merci infiniment. T'en prie, merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la guerre en Afghanistan, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livre, référence et si le cœur vous en dit, vos commentaires bien sûr. Merci à Henri Bérec qui était à la technique aujourd'hui, merci à Jérôme Bonny de nous avoir autorisé à diffuser un extrait de son documentaire.